c'est qu'à manquer moi. La nostalgie, j'en témoin. Mais si elle a dit moi, on vit. On fait pas partir sans dire noyer. On s'en sait pour celle qu'à côté. Vous, celle qu'à voter. Lambi, 16h-17h, spécial musique jeudi. On a démarré l'émission avec un extrait du nouvel album de Saïk, Second Souffle, le titre L'ennui qu'on la jounait. On va enchaîner tout de suite avec Mimi Nelzi, L'emmène en mou. Et je vais préciser juste avant que les émetteurs de Radio FPP étant en panne, nous vous conseillons d'écouter plutôt l'émission sur le site rfpp.net. Tout de suite, c'est Mimi Nelzi, L'emmène en mou. Oh, Mimi Nelzi, artiste soul guadeloupéenne qui, après son album Créole Seasoning, nous revient avec ce EP 3 titres, Moon Reflection, avec l'extrait L'Emmène en Moon. On vous en reparlera dans Codelambi, Musique Jeudi. On poursuit encore avec une nouveauté, toujours une artiste guadeloupéenne. Nouvelle signature du label Tropical Mix, c'est Lissi Naïs avec le titre Good Vibe. Sini sa ke defizi artisti yon lot stil Goun pa wola pesi zay mou pasi yon koukou ti an bakon Wola la ge Chak moun amane sa fan mikrofon Grile depi ke wajay ke kose ke koukou ni sa fini Men volim la wo Ka e la show Choun ka tombe man douze sa ki se artist Chak moun amane sa fan mikrofon Grile depi ke wajay ke kose ke koukou ni sa fini Men volim la wo Ka e la show Choun ka tombe man douze sa Ti ka plan real pali wak Li me kalp si ka se la ka betjen de kap se Di kap ki toujou kap de bede C'est vraiment le coup de ma gaffe et puis de test plate et puis de test fan. J'espère ça qui t'a fait de tout le fan. Papa nous y'en avait à trois noms, mais les travailles là. Ou pas la poussée de la tête sous ces artistes pas esclaves. Non, mais n'est-ce pas? Plus qu'on promet les stramas, l'équivalent de création pour les années restantes. Chaque mon amant est à fond, microphone grillé. Depuis que moi j'ai des conséquences, ou plus ça finit. Mais volume là-haut, car elle a chaud. Je ne t'entends bien, mais c'est ça qui s'est artiste. Chaque mon amant est à fond, microphone grillé. Depuis que moi j'ai des conséquences, ou plus ça finit. Mais volume là-haut. Kaye la show Chon ta tombe ma douce sa Woy, wada tout ta te gorille ou se artist Ou le ancien fou ni sou fou sportif Ti ou ni bus ki moun de gwen yo ki ou fioutif Pou nou mi diksyon ni se tout se ulis Wodan, edou ka soupran te ou risan choupan Me le yi flak, yo groya Kon li me yad li fe yon di de pe posi san koukan Ispek sa ka fe ta flak lare toutan Chak moun amane sa fan microphone grille Depi ke mwen jage kose ke ou pou ni sa fini Men volume la wo Kaye la show Choun ka tombe ma douce sa ki se artist Chak moun amane sa fan microphone grille Depi ke mwen jage kose ke ou pou ni sa fini Men volume la wo Kaye la show Choun ka tombe ma douce sa Aka se te long vie a tout sa ka vip de mese Ose fok sav ke la vie artist sa pa izi Fok ou me Fok si me Mano se dwa dwa nou ka ka de outan Nou ka pose son ton, nou ka foksyon Sini sa ke defizi artist ni yon lot stil Goun pa wola pesi zay mou pasi yon koukou ti an bakon Wola la gen Chaque mon homme en est un microphone grillé depuis que moi j'ai des conséquences au prix sans fini. Mais volume là-haut, car elle a chaud. Je ne peux pas tomber, mais c'est ça qui c'est. Taiji, DJ Martiniquais sur tout nouveau rythme local Furtif Rhythm en téléchargement gratuit. On poursuit après le dancehall, on va aller cette fois en hip-hop avec une sortie très importante d'Awick, le volume 2, compilation en 4 volumes de hip-hop créole. Et c'est le single qu'on va entendre tout de suite, nouveau Neg Lyrical, le titre en écho à l'actualité en Guadeloupe et Martinique, tristement, violence. Physique, chargé. Fidji, Marley, pas fini, carré, sinon ça finit, yo cabraché. Alors on met quoi à la page, si tout mon an il arrache, ou paye pas pour sage. Awa ou parle, yo mettez yo à la mode. Alors ou allez faire couscay en louchon, tellement qu'à senti corps. Qui ça qui dit yo c'est malade, bah yo ou ni en antidote. Yo dit ou changer, ou vini danger, et puis en granger, qu'a fait maman plaire. Violence, vengeance, gon ina di ghetto. Ou pas qu'à résoudre problème ou qu'à grave yo. Vengeance, violence, gon bon flego. Ou pas qu'à résoudre problème ou qu'à grave yo. Violence, vengeance, gon ina di ghetto. Ou pas qu'à résoudre problème ou qu'à grave yo. Bad boy, tell me what you gonna do. What you gonna do, they coming for you. Si yo vini ou pare bayo, ou compte pète balle en layo, ou pas compte balle bayo. En l'air on gun, on ni en gros effet. Trop d'été, tellement qu'a fait tout ça ou pas t'es qu'a osé fait. Comment c'est vendre plus, comment c'est prendre risque. Des fois plus grand crime, trois fois plus bandit. 4 fois plus d'envis, 5 fois plus insensible. Tellement speed ou préparé t'es tranquille. Normalement ou t'es checké pour protection. Finalement ou qu'a servi pour agression. Yo pas remboursé ou alors ou s'en foutre. Ou qu'a shooté pas qu'a pète ton goût. Violence, vengeance, gone in a di ghetto. Ou pas qu'a résoudre problème ou qu'a grave yo. Vengeance, violence, gone pour flego. Ou pas qu'a résoudre problème ou qu'a grave yo. Violence, vengeance, gone in a di ghetto. Ou pas qu'a résoudre problème ou qu'a grave yo. Bad boy, tell me what you gonna do. What you gonna do, they coming for you. Pas qu'a dormi long une condolence. Pas bon minuit ou qu'a vend plus produit. Anti-comique, t'es ni en lolossi. Brache canon, jolly. Assise à sous en chaise pliante. Ou la café client. Servi en poche, l'état qui pas de jellichos. Yo père brigand, coup pas fait service homme. Pas tes prévois ennemis, on t'es qu'il prend en belle rivage. En l'auto vite, tête et vine pointé. Essayez ouais qui moule, mais on pas t'es qu'à distinguer. Pour lui péter, on couille serré. Yo vine montrer, en quartier, assez pas où qui pisse cinglé. Tellement on pisse mêlé. Vessi ou percé, on capisse rien. Finalement, c'est pas où qui gagne. Séjour l'hôpital là, pas servi au lisson. Pensez pas lisson, c'est just pichon. Violence, vengeance, gone in a di ghetto. Ou pas qu'à résoudre problème ou qu'à grave yo. Vengeance, violence, gone bon flego. Ou pas qu'à résoudre problème ou qu'à grave yo. Histoire banale de violence en Martinique, en Guadeloupe, pareil. On va terminer la sélection des nouveautés du mois dans Musique Jeudi, Panorama des musiques créoles contemporaines, avec un extrait d'un grand monsieur, nouvel album de Joby Bernabé. L'album c'est Slam de fond, un artiste qu'on va retrouver eh bien, dans quelques instants sur l'album de notre invité Grégory Priva. Mais on écoute tout de suite son nouveau single et le clip est disponible sur YouTube, Comme on fait sa vie. Bien des gens se trouvent pas mal aussi se trouvent bien. Certains soudain se trouvent mal, d'autres ne se sentent pas bien, passent leur temps à se chercher, ont bien du mal à se trouver. J'ai vu des gens qui vivent bien, et pas mal d'autres vivant bien mal. Il y a ceux qui vivent tant bien que mal, et ceux qui vivent plus que bien, et parfois même beaucoup trop bien. Si bien qu'ils vont vite bien mal. Si bien qu'ils vont vite bien mal. Lui ont du mal à être bien. Et moi je chante sous le ciel. Du pire au mieux, du mal au pire. On a beau s'en remettre à Dieu, comme on fait sa vie, on la vit. Et moi je chante sous les cieux. Du pire au mieux, du mal au pire. Il y a des gens qui sont sans bien, et ceux qui ont leur bien sans mal. Et puis, il y a ceux qui voudraient bien, mais qui déchantent quand ça va mal, au point d'en perdre les pédales. Or, quand ils sont bien mérités, d'avoir des biens, c'est pas plus mal. Des biens de gens de bonne main, des biens honnêtement gagnés, dont on profite et c'est normal. Faut-il encore pouvoir en jouir, sans qu'on finisse par en souffrir, ou alors savoir pas trop s'en faire, quand la fortune a ses revers. Et moi je chante sous les cieux, du pire au mieux, du mal au pire. On a beau s'en remettre à Dieu, comme on fait sa vie, on la vit. Que l'on se tape une vie de chien, ou que l'on brille comme une étoile, tant que la vie pousse nos voiles, il s'agit bien de vivre bien, ou tout au moins plus bien que mal. De traverser sans trop d'orage toutes les mers de nos voyages, et déjouer sans se lasser le jeu du mal dans nos pensées. Oh, la divine comédie entre le bien et son ennemi, qui mène la danse de nos vies en agissant de connivence, pour édifier notre bon sens et bonifier notre présence. Et moi je chante sous les cieux, du pire au mieux, du mal au pire. On a nos Priva, Tales of Sipparis. À l'école en Martinique, on apprend un nom en lien avec l'éruption de la montagne Pelée en 1902. C'est Sipparis, prisonnier et seul survivant de l'éruption. De mémoire, l'histoire s'arrête là, mais José Priva, pianiste du plus célèbre groupe de l'île Malavoie, en raconte bien plus à son fils Grégory. Une histoire qui prend vie et bouleverse le jeune pianiste jusqu'à en faire le thème et la toile de fond de son second album, Tales of Sipparis. Alors, avant de te présenter, Grégory, peux-tu nous présenter Sipparis, s'il te plaît ? Alors, en fait, Sipparis, en tout cas, l'histoire l'a reconnu comme étant le dernier survivant de l'éruption de la montagne Pelée qui a eu lieu en 1902. Lors de cette éruption, Siparis était un prisonnier qui était alors dans un cachot de pierre, donc presque condamné, et finalement cet homme a réussi à survivre grâce à l'épaisseur des murs de sa cellule. Et puis par la suite, il est devenu un peu, entre guillemets, célèbre malgré lui, puisqu'il a été enrôlé dans un des premiers cirques aux États-Unis qui s'appelle les cirques Barnum, et où il était amené à raconter cette histoire terrible et à exhiber ses blessures devant une foule un peu impressionnée, je pense. Mais c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant, puisque bon, on connaît tous ce nom, comme je disais, on a appris à l'école. Cette seconde partie de l'histoire sur le cirque Barnum, je l'ai découverte avec ton album. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce fait historique que tu prends comme toile de fond pourrait laisser entendre que tu fais peut-être de la musique traditionnelle ou peut-être même du rap avec un message revendicateur. Est-ce que pour toi, ça t'a semblé évident d'associer ça à ta musique qui est avant tout jazz? En fait, c'est vrai que la musique que j'aspire à faire, c'est plus un mélange de musique que juste du jazz. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jazz puisqu'il s'agit d'une musique improvisée. Mais c'est vrai que, en tout cas, la musique antillaise, je la conçois comme effectivement une musique qui puise en tout cas son essence sur pas mal d'horizons différents. Tout comme l'histoire des Antilles, en fait, hein, je pense, on est carrément un peuple mélangé. Et en fait, l'histoire de Siparis, pour moi, traduit un peu, à côté du caractère dramatique qu'elle dégage, je pense qu'elle traduit effectivement aussi une sorte de... Il y a tout le côté renaissance, tout le côté nouvelle chance entre guillemets, tout le côté voyage en fait, qui inspire, puisque si Paris a été amené à voyager après par la suite à cause de cette histoire. Et puis non, pour moi c'est vraiment une histoire qui a un côté très dramatique, dans le sens où effectivement je suis assez surpris qu'il n'y ait pas encore eu de film là-dessus, en tout cas moi j'avais envie de donner mon interprétation artistique que cela m'évoquait, et pour ma part c'est la musique, et voilà, comme ça, ça. Alors pour prendre mon point de vue, qui est un point de vue de profane en matière de jazz, mais ça peut toujours paraître surprenant de raconter une histoire à travers une musique essentiellement instrumentale. Je voulais savoir comment est venue l'idée. Est-ce que la musique est arrivée avant le thème? Est-ce que le thème a vraiment inspiré la musique? La musique est arrivée avant le thème. C'est souvent le cas, en fait. Hein. C'est vrai que je ne me suis pas dit je vais faire une musique sur Siparis. J'ai d'abord fait un premier morceau, le morceau qu'on vient d'entendre, en fait, qui s'appelle Siparis. Et c'est par la suite que j'ai eu l'idée de tourner toute l'histoire en fait de Siparis sur cet album, de faire une sorte d'album concept autour de Siparis. Après, c'est vrai que c'est difficile, c'est un peu abstrait de dire voilà, ma musique parle de, je sais pas, du beau temps ou de la misère dans le monde. Enfin voilà, c'est assez difficile, mais j'ai essayé voilà de mettre tout mon ressenti en tout cas dans la musique. Il y a une première partie un peu qui est une sorte dans ce morceau on pourrait en tout cas l'interpréter comme ça, comme une sorte d'adieu à la vie, et puis après une partie un peu plus résistante entre guillemets, ou si pas résistante de rester en vie. Après c'est vrai que pour que ce soit un peu moins abstrait, j'ai fait appel à des gens comme Joby Bernabé effectivement, qu'on a pu entendre tout à l'heure, et qui compte entre guillemets, qui intervient dans la peau de Siparis et puis dans la peau du personnage qui avait le cirque à l'époque. Alors Joby Bernabé, dont on a entendu l'extrait de son album à lui, est un personnage central donc sur l'album Tales of Siparis. Comme on a dit, certes musique instrumentale, mais le thème n'est pas qu'abstrait, parce que Joby Bernabé lui donne vraiment vie à travers ses interventions à la fois en français et en créole. Je voulais savoir comment est venue l'idée d'avoir un narrateur et est-ce que tout de suite, ça a été Joby Bernabé, grand maître de la parole en Martinique ? Alors, c'est vrai que l'idée du narrateur est venue tout de suite parce que c'est vrai, comme on le disait, il s'agit d'un album concept. Donc, c'est vrai que un album qui raconte une histoire. Donc, il me fallait quand même du texte, un poète. Et là encore, Joby aussi est venu tout de suite parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup et dont je connais un peu l'œuvre et que j'adore, en fait, finalement. Et en fait, c'est vrai que je voulais travailler déjà avec lui sur mon premier album, Kikoté, mais je n'avais pas réussi à prendre contact avec lui. Et puis sur cet album, ça m'a paru évident en fait de faire appel à lui. Il a une vraie présence en tout cas dans sa diction, dans des choix des mots. C'est vraiment magnifique en fait. Et puis j'ai appris par la suite que c'est quelqu'un qui est originaire de la ville de Saint-Pierre. D'accord. Donc il y a tout le jargon d'antan. Et c'est. Il y a une phrase qui interpelle avec une double occurrence d'un mot qui doit être le mot qu'on entend le plus sur l'album, qui est macaque. Ouais. La phrase « Mon lac a fait macaque bazote, passe mon payé pour faire macaque ». Est-ce que tu peux nous traduire, nous commenter cette phrase qui peut déjà choquer ? Oui, oui. Alors, je suis là pour faire le macaque et parce que je suis payé pour le faire. En tout cas, j'ai pas du tout orienté en fait Joby sur quoi que ce soit. C'est lui qui m'a proposé ça. Et c'est vrai. Libre dans l'écriture. Dans l'écriture. Et c'est vrai qu'au départ, je me suis dit waouh, c'est c'est chaud. Mais c'est une réalité aussi. Mais c'est une réalité en fait. Donc j'ai tenu à ce que ça soit sur l'album. Je pense que voilà, il n'y a pas un véritable artiste justement va prendre ce genre de risque en fait, ce genre de risque de choquer entre guillemets. Voilà, là il l'a fait et puis je suis rentré dans son sens et puis voilà, ça allait vraiment dans l'histoire même de ce personnage qui était à un moment donné qui n'avait pas d'autre choix que de faire ça en fait. Mais en fait ça, enfin dans mon esprit tout de suite ça fait référence aux zoos humains, des films comme la Vénus Hottentote ou des choses comme ça. Effectivement ouais effectivement c'est la Vénus Hottentote, ouais c'est un peu c'est un peu des histoires qui sont liées en fait. Je pense que voilà, c'est à nous artistes de mettre ça un peu en lumière. Voilà. Mais dans l'univers un peu feutré du jazz, ou en tout cas la représentation qu'on s'en fait, est-ce que c'est un peu violent ou est-ce que ça passe inaperçu ? Oui, mais le jazz n'est pas feutré en fait. Je pense que le jazz. Non, mais on est là pour déconstruire aussi les clichés. Oui, peut être parfois, mais au contraire, le jazz est né d'une revendication. Hein, c'était d'abord une musique pour montrer aux gens qu'on existait et que. Au contraire, je pense que avec le jazz, vu que c'est une musique improvisée, on peut faire passer toutes sortes de messages et d'émotions et justement là. Que ce soit la colère, l'indignation, tout ça peut rentrer là-dedans. Comme je disais en intro, et comme tu l'expliques dans la présentation de ton album, tout ça part de l'histoire que te racontait ton père, qui n'est autre, on le sait, que José Privat, pianiste du groupe Malavoie. Je voulais savoir, est-ce que ce thème, c'est avant tout donner vie à un destin assez extraordinaire, sans forcément qu'il y ait de morale, en fait, raconter une histoire ou un message plus personnel en lien avec ton histoire, l'histoire de ton pays ? C'est une question difficile. Je pense qu'il y a les deux positions sont vraies. C'est une histoire qui m'a touché en fait, vraiment, qui m'a d'abord effrayé quand j'étais petit en fait. C'est vrai que parce que je me suis imaginé quand même, j'ai vu le cachot de pierre quand même, c'est assez impressionnant en fait. On se dit qu'il y avait quelqu'un là qui attendait la mort, c'est assez glauque en fait. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas trop la Martinique, on peut toujours voir aux ruines de Saint-Pierre. On peut toujours voir voilà, ce cachot. Et c'est vrai que après, je pense qu'il y a des histoires en fait qui sont... qui ont eu leur importance en tout cas sur notre île, et puis je pense qu'ils laissent des traces. Et après, je sais pas s'il y a un lien forcément. En tout cas, moi, je sais que j'ai eu vraiment, j'ai eu envie de faire ça, et j'ai senti comme, enfin, pas forcément un devoir, mais non, c'est une évidence. Une évidence, oui. Voilà, de. À la fin du morceau, là, Si Paris, donc on a entendu en introduction, donc qui sera un peu la bande originale du moment où il pense qu'il va mourir, oui, en fait, dans son cachot. Il y a une prière qu'on n'a pas entendue, parce qu'on a dû couper avant, mais vous allez acheter l'album Tales of Si Paris pour entendre le tout. Une prière chantée par lui-même, et cette fois, ce n'est pas Joby Bernabé qui prend sa voix, où il souhaiterait qu'on se souvienne de son nom. Et qui est le chanteur qui n'est pas crédité sur ce titre ? C'est toi-même ? C'est moi-même, ouais. D'accord. Donc c'est bien ce que je pensais. Et pourquoi ne pas l'avoir marqué sur la pochette ? Oui, parce que je ne suis pas chanteur. Et puis, c'est pas que j'assume pas, mais... Non, mais je voulais justement laisser un peu le doute sur ça. Ah. Voilà, puisque puis, voilà, ouais. Je sais pas non plus. Voilà, nos auditeurs ont une exclusivité. Et donc, j'imagine que c'est aussi toi sur le titre Wake Up. Non, c'est pas non. Moi là. Non, ah. C'est pas moi là. Là, c'est Gustave. C'est Gustave. Ah, c'est lui qui chante en créole, monsieur. Alors, il n'y a pas de créole. Il n'y a pas de parole. Ouais, il n'y a pas de parole. Mais effectivement, oui, sur Si Paris, j'avais essayé. On l'avait essayé quand même avec Gustave, hein, ce texte, mais. Je trouve que Gustave n'est pas antillais et ça ne l'accent ne marche pas. Voilà, l'accent ne marchait pas. Et lors de tes différents concerts, parce qu'on précise que Grégory Privat évolue énormément sur la scène parisienne, tu as fait, il me semble, le mois dernier, deux dates au Duc des Lombards pour présenter l'album. C'est ça. Lorsque tu interprètes ce morceau, tu prends le micro. Exactement, ouais. Voilà. Voilà. Donc, allez-y, allez le voir. Il passe très régulièrement sur toutes les scènes. On va revenir un peu plus tard dans l'émission. On va écouter peut-être un titre. Histoire de se remettre un peu en musique, ce sera Carbétienne Rhapsody, tout de suite, Grégory Privat. Carbétienne Rhapsody, Grégory Privat. Je note que les titres de l'album, on a Tales of Si Paris, sont soit en anglais, soit en créole. Je voulais savoir si ça avait une signification particulière pour toi ou si tu n'as pas. Oui, absolument. Le créole, ben, de toute façon, c'est parce que je suis martiniquais. Et puis l'anglais, c'est avant tout pour attirer l'attention, en fait, pour essayer d'avoir le plus grand. Nombre possible d'auditeurs. Après, voilà, que ce soit des Américains. Enfin, en tout cas, l'anglais est actuellement la langue la plus, en tout cas, entre guillemets, connue dans le monde. Et voilà, c'est pour ça que... Je voulais savoir aussi ce que tu as... C'est ton deuxième album. Le premier album s'appelle Kikoté. Mm-hmm. Quelle a été la différence pour toi dans la manière d'aborder ce deuxième album par rapport au premier ? La différence, c'est le concept. Hein. C'est le concept, le fait de mettre une histoire sur de la musique. Après, la démarche, c'est toujours la même. Hein. En tout cas, on compose la musique, on a un peu une idée des arrangements et puis on cherche aussi les gens qui vont pouvoir jouer cette musique. C'est un peu la même démarche. Quoi. Et du coup, on va parler maintenant des musiciens. J'ai trouvé, on n'a pas du tout les mêmes instruments d'un album à l'autre. Et le seul musicien, je pense, qui revient sur les deux albums, c'est Sonny Troupé. Mmh. Alors pourquoi, comment tu fais le choix des instruments ? Bah, en fait, je pense que Sonny Troupé, il me le fallait sur cet album. Et je pense qu'on aura l'occasion de collaborer par la suite ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui représente en tout cas les Antilles... d'une manière internationale pour moi. C'est vraiment un grand maître de la musique guoka. Donc on précise qu'il est percussionniste et batteur. Voilà, percussionniste et batteur. Et c'est quelqu'un qui maîtrise son instrument et qui, en tout cas, fait un gros travail de représentation et de transmission aussi dans le monde entier, en fait, de la musique guoka et même de la musique antillaise en général. Quoi. Alors on va préciser pour tout le monde que sur l'album, on a... Sonny Troupé au cas, également Arnaud Dolmen. Oui. On a également contrebasse, guitare, percussion. Mais pour parler de Sonny Troupé et de Grégory Priva, peut-être que vous ne les connaissez pas, mais je vous invite à aller les voir sur scène parce que c'est un duo assez effrayant, assez possédé. En tout cas, le mélange, que ce soit batterie, piano ou cas, piano, est vraiment très intéressant et passionnant. Et Sonny Troupé qui a également lui-même un album, il me semble, qui est sorti il y a pas longtemps. Un album qui est sorti il y a pas longtemps, ouais. Un album donc à son nom. Vous aurez compris qu'on parle là de jazz et plus encore, mais en tout cas définitivement caribéen. J'entends ça depuis à l'époque, avant le premier album, tu faisais partie d'un groupe qui s'appelait Trioka. Mm-hmm. Jusqu'au cas qui est donc omniprésent avec Sonny Troupé, Arnaud Dolmen, Le Créole, comme on l'a dit. Je voulais savoir... Quelle inspiration ? On a entendu Carbetienne Rhapsody, toute l'importance de... On entend le petit... c'est pas un petit bois, mais c'est des claquements de mains, mmh, etc. Ouais. D'où vient cette inspiration ? Moi, j'entends des petits accents de malavoie, je sais pas si c'est justifié ou pas. Quelle est l'influence derrière tout ça ? Bah, c'est sûr que l'influence d'un groupe comme Malavoie, effectivement... a beaucoup compté pour moi, vu que mon père, effectivement, est pianiste du groupe. Voilà, j'ai été bercé par ce type de musique. Et puis voilà, le jazz, de manière générale, a beaucoup compté, effectivement, lorsque j'étais petit. Donc c'est vrai qu'après, il y a plein d'influences, en fait. Il y a plein d'influences, mais... Tout nommer. Ouais. Ni même identifié, peut-être aussi. Voilà, mais après, le truc, c'est que c'est vrai que j'ai envie de donner ma propre vision artistique de la musique antillaise et qui ne vient pas de nulle part. Je n'invente rien, en fait. Je suis juste, enfin, en tout cas, j'essaie juste de m'imprégner effectivement de ce qui a déjà été fait par ceux qui ont déjà fait un gros travail dans la musique antillaise. Et puis juste voilà, c'est de s'ouvrir en fait par tous les types de musique qu'on est amené à découvrir dans des villes comme Paris en fait. On note aussi, il n'y a pas que Joby Bernabé comme invité vocal sur l'album, il y a aussi Gustav Karlstrom. Est-ce que tu peux nous présenter donc cet artiste qui, ça n'échappera à tout le monde, ça n'échappera à personne, a une voix qui ressemble énormément à celle de Stevie Wonder, qui chante donc en anglais sur l'album. Je voulais savoir de qui. Est-il la voix, puisque Joby lui prend la voix de Cyparis, à qui correspond ce Gustav Karlstrom? Ben en fait, c'est vrai que ouais, pour entrer dans le créneau de l'histoire de Cyparis, voilà, c'est vrai que Gustav Karlstrom a une voix très, très soul, et c'est le fils d'Elisabeth Cantomanou, qui est une chanteuse assez connue effectivement dans le milieu jazz français. Et Gustav Karlstrom, dans cette histoire, en fait, représente un peu... vu que c'est pas un film en fait que je fais, c'est de la musique, un peu la romance en fait quelque part, hein, puisqu'il intervient avec une sorte de voix un peu suave, un peu qui fait presque rêver en fait dans cette histoire un peu sombre. Et voilà. En tout cas, je tenais à ce qu'il y ait deux chansons sur cet album, et c'était vraiment la personne idéale pour chanter ces deux morceaux. Tu nous disais tout à l'heure que le jazz n'est pas du tout feutré ou élitiste. Je voulais que tu nous parles un peu de la scène jazz parisienne. Tu es très actif, on te voit très souvent au Baiser Salé, au Duc des Lombards, qui sont un peu tes deuxièmes maisons, animer des jam sessions, etc. Est-ce que tu peux un peu nous parler de l'ambiance, de cette ambiance de la scène jazz parisienne ? Je pense que la scène jazz parisienne, en tout cas... il y a beaucoup de bonnes énergies, de belles émulations, en tout cas, de jeunes musiciens qui proposent des choses. Et c'est vrai qu'à une échelle peut-être moins importante qu'à New York, il y a quand même pas mal de personnes qui ont des choses à dire en fait sur cette scène, et c'est vrai que ça permet de, ça donne des idées, ça donne envie de se dépasser aussi parfois en fait, et voilà en fait, je pense que c'est une scène qui est très riche, et par les différents horizons dont viennent les musiciens qui viennent s'y produire. Et puis non, enfin voilà, je pense que Paris c'est un lieu très, très riche au niveau de la culture jazz. Et tu parlais de New York, est-ce que tu as eu l'occasion de comparer peut-être, de connaître d'autres villes, d'autres places fortes du jazz pour notre culture ? D'autres places fortes à part New York, parce que c'est vrai que New York quand même, j'y suis allé en début d'année pendant 10 jours, c'est justement pour voir en fait l'ambiance et la scène new-yorkaise, et c'est vrai que New York a quelque chose de vraiment particulier, en fait. Vraiment, c'est encore plus puissant que Paris, je pense, en fait. Les musiciens là-bas, enfin, ne s'arrêtent jamais de jouer. Ils font, enfin, je pense, pratiquement au moins 10 heures de pratique par jour, chacun. Et c'est pour ça que je pense que chaque fois qu'ils reviennent en Europe, mettre le feu à chaque fois, parce que c'est des gens qui travaillent énormément, et c'est vraiment une scène, c'est presque oppressant en fait, c'est presque oppressant. C'est-à-dire que moi je me suis senti vraiment, je ne pouvais pas, on a presque le devoir de faire quelque chose parce qu'on ne peut pas rien faire en fait, on a le droit, devoir de bosser en fait pour, enfin soit on arrête en fait, soit on fait autre chose, je sais pas. Il y a une vraie émulation, voilà, quoi. Voilà, une vraie émulation. Parce que pour parler des scènes, alors, pour moi, je t'ai déjà vu au Baiser Salé par exemple. Mm-hmm. Il s'agit de concerts quand même très longs, même de 2 à 3 heures, donc on va dire que tu n'es pas étranger à cette idée de performance. Ouais. Je voulais savoir comment on vit d'un côté toutes ces jams, ces performances assez régulières, des concerts longs, l'émulation, et de l'autre, la promo d'un album, des articles, de la presse comme tu as pu avoir dans les Hérocultibles, Télérama. Comment on trouve l'équilibre dans tout ça ? Ou la question ne se pose pas. Deux choses différentes en fait, je pense, pour moi. En fait, je pense qu'après, c'est vrai qu'il y a le fait de d'être musicien, et puis de faire le métier en tout cas, et puis il y a le fait de faire une carrière, et c'est vrai que c'est deux choses différentes. Après là, j'aspire à faire une carrière, et je pense que en tout cas dans le jazz, je pense qu'on est amené à toujours jouer tout le temps en fait. Jouer tout le temps, et le fait de faire par exemple, de jouer 4 heures dans une soirée, quand on fait du jazz, ça peut arriver quoi. Enfin, je pense que ça ne peut qu'aider à s'améliorer. Et à se dépasser en fait. Et puis je pense qu'après le fait de la réponse, en tout cas, d'un public spécialisé ou d'une presse spécialisée, c'est tout à fait... C'est une chose complètement différente. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, en fait. Je pense qu'il faut... En tout cas, c'est ce que j'essaierai de faire, c'est de toujours continuer à proposer des choses artistiquement, à toujours avoir des idées, toujours faire des choses, et puis... Et après, voilà, si les gens suivent, tant mieux. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui habitent à Paris, est-ce que tu peux nous annoncer d'ores et déjà toutes les prochaines dates de Grégory Privat ? Oui, alors en fait, il y a le 15 octobre, je fais un petit showcase à 17h de 45 minutes en solo, je serai en piano solo cette fois, au Duc des Lombards, dans le cadre du festival Jazz en scène. Et ensuite, ça continue donc ça continue le 9 novembre au Petit Journal Montparnasse, et donc toujours à Paris. Et puis, on sera à Nancy, effectivement, au Théâtre de la Manufacture, le 28 novembre. Voilà. Ok, donc notez bien toutes ces dates. L'album de Grégory Privat, Tales of Cyparis. Tu fais aussi énormément de collaborations. On a parlé de Sonny Troupé tout à l'heure. Je voulais savoir, est-ce que dans la vie de musicien, est-ce que tu joues avec d'autres, pour d'autres groupes, ou est-ce que tu fais partie de musiciens qui accompagnent des artistes ou est-ce que tu privilégies en fait ta carrière solo? Je en tout cas dans ma jeune carrière, en fait, c'est vrai que c'est difficile pour moi, en tout cas lorsqu'on vit de la musique, de ne faire que sa musique, en fait, de ne se produire qu'avec son projet. Et j'ai en tout cas la chance d'être appelé par d'autres musiciens pour travailler, donc des musiciens comme Jacques Schwarzbart, comme Sonny Troupé, comme pas mal, enfin, pour ne citer que et voilà. Après, c'est vrai que ma priorité, effectivement, est de développer en fait ma propre carrière musicale, mais en tout cas c'est tout à fait enrichissant de travailler avec d'autres. Quel a été le retour que tu as pu avoir des Antilles par rapport à cet album ? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de te confronter au public ? Pas encore. Ce sera une deuxième étape très importante pour moi, parce que c'est vrai que l'album qui parle de l'histoire de Cyparis, de le présenter aux Antilles, en tout cas, voilà, c'est un deuxième challenge pour moi, et on est en train de travailler là-dessus. Parce que là, on attend le concert à Saint-Pierre. Mais c'est un peu l'idée. Peut-être au prochain Big in Jazz. Peut-être, mais bon, il y a plein de petits paramètres à confirmer. On va écouter, avant de terminer l'émission, un autre extrait de l'album. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter dont on n'aurait pas suffisamment parlé ? On rappelle l'album Tales of Cyparis, Grégory Privat. Allez d'ailleurs voir sur YouTube le PK, la vidéo de présentation, que je trouvais très très bien réalisée. Tu penses qu'on est bon ? Voilà. on annonce au moins, tu m'as dit, la première date, c'est le 15 octobre. Voilà, notez déjà cette date-là. Duc des Lombards, voilà. 17h. On va écouter. En plus, oui, alors il y a un truc à rajouter pour cette date, c'est que c'est une entrée ouverte au public, donc gratuite. Ah bon, tu as tout dit. Tu as tout dit. Allez tester et n'hésitez pas à. Comment on peut te contacter ? Page Facebook, voilà, Grégory Privat, tout simplement. On va écouter encore un titre avec cette fois Joby Bernabé en musique sur le titre En belle lendemain. Fok sa riko avan rimoun Pasman peye pou fe makak Man la pou fe makak bazot Mem si yo di tout je se je Me kase bwant chou makak baje Se bon je sel ki sav sa man viv La pot tou a ouver dwan mwen Konsidire mante Jezikri Te vivan di wayom de mor Man senti man deka toufe Man kriye, man pretye, man plere Man jis manche tounen zombi Se mwen ti sanson ka pale bazot Saint-Pierre brûlé, ti son sang vivant. Mon Dieu, celle qui connaît sa feuille. Manquer aller non moins que rété. Enfant de sauter l'éternité. Manquer aller non moins que rété. C'est mon Dieu, celle qui connaît sa feuille. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Conlambi, premier dimanche de chaque mois, musique jeudi. On précise aussi que Conlambi, chaque dimanche, vous aurez une thématique un peu différente. Et à partir du troisième vendredi de chaque mois maintenant, ça commence le 20 octobre. Troisième dimanche, ça commence le 20 octobre. Ce sera en page Belley, une émission consacrée donc à la musique Belley. On va aussi annoncer un peu l'agenda du mois, les événements à ne pas rater. On commence avec aux sources de développement durable en Haïti. Conférences, débats, soirées culturelles, c'est le samedi 12 octobre à la Bourse du Travail de Saint-Denis. En termes de concerts, qu'est-ce qu'on a encore ? On a La Gâchette, rappeur créole qui va faire un concert cette semaine, j'ai plus la date en tête, mais avec Samuel Darnal, pianiste du groupe Urban Troubadou, et également le groupe de beatmaker live Ciné Square. Donc allez noter ça, c'est au 114 à Paris. Également, nous avons le 16 août, Erika Lerno qui sera en concert à l'étage. Le 16 août, 16 octobre, bien sûr, Erika Lerno à l'étage. On a dit le 15 octobre, Grégory Priva au Duc des Lombards à 17h. Je vais aussi vous parler du 18 octobre, une date dont je suis moi-même partie prenante. C'est l'atelier Lâcher Chiver, création hip-hop créole. Ça se passe au Downtown Café à 20h avec le groupe Scud Squad qui fera une petite rétrospective sur ses 15 ans d'existence. Et il me semble qu'il y avait encore quelque chose. Le concert de Max Silla, cette fois c'est le lundi 7 octobre à 19h à Le Roubleau. Ça se passe à Fontenay-sous-Bois. Voilà un peu pour tous les événements. Rappel musique jeudi, panorama des musiques créoles contemporaines. Et on en est où? Mais je pense que pour les annonces, on est bon. Et mais je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, EDS, dans Conlambi. Conlambi vient pour te battre ou bonjour nouvelle la caille. Nouvelle politique, nouvelle économique, nouvelle la culture.